dans la zone 89. Cette semaine, on a Mathieu Planchot. Dans Télévision, Télévision, un nombre record de séries télé diffusées en 2016. Et comme toujours, 95% de celles que je veux voir sont pas sur Netflix. Dans le segment Geek Célix, selon des chercheurs, le sexe avec des robots serait bientôt une réalité. Et selon les robots, le sexe avec des chercheurs serait sur le bord d'être possible. Et dans Merci Science, un implant activé par la chaleur pour traiter les troubles de l'érection. Le Mathieu Planchot commence tout de suite. Hein? Voici celui qui cherche à contrer les effets du froid sur l'érection, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 9 janvier 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science et le segment Geek CX. J'espère que vous avez apprécié les émissions montées pendant les fêtes. Il y avait une émission sur The Gamer un autre, et une autre avec la musique de Noël, Chip Miss. C'était vraiment le fun, mais j'ai pas fait l'émission en direct depuis le début du mois de décembre. Donc, il y a plein de contenu qui s'en vient, je vous avertis tout de suite. Mais avant ça, une petite chanson pour débuter, un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce aujourd'hui, c'est par Akatos. C'est un producteur de musique Electro House d'Espagne via GameChop's Spotlight. On écoute un remix de Winding Theme du jeu Donkey Kong Country Tropical Freeze, remasterisé par DJ Cutman. Ça se passe tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou, 89 FM. Dream de Donkey Kong Country Tropical Freeze par Akatos, remasterisé par DJ Cutman ou Mathieu Plancho. Maintenant, c'est Television, Television. Tel que prévu de ma part, j'étais pas prêt du tout pour Television Television. Je sais même pas pourquoi j'ai mis cette intro-là. Je dois être trop stressé par le nombre de choses que j'ai à faire aujourd'hui. C'est en fait, c'était le segment geek et CNX, c'est la thématique transport. Fait que c'est juste pour dire. Bon, donc on commence avec des drones. Hein, le drone qui vole presque comme un oiseau. Les drones d'aujourd'hui sont essentiellement conçus comme des hélicoptères ou des avions et comme eux, ils manquent parfois cruellement de maniabilité. Les oiseaux, eux, savent s'adapter à des conditions aéronautiques très différentes. Une observation simple qui a conduit une équipe de chercheurs à imaginer un drone qui vole presque comme un oiseau. À s'inspirer des ailes d'oiseaux pour imaginer un drone plus efficace, l'idée semble des plus évidentes, mais a pourtant été que relativement peu exploitée, en raison sans doute de la difficulté de la mettre en œuvre. En matière de technique de vol, les oiseaux disposent d'une large palette de possibilités. Pour éviter les obstacles, virer serré ou résister aux turbulences, les oiseaux ont en effet développé des ailes à haute performance. Os, plumes et muscles, en une configuration sophistiquée, permettent aux oiseaux de prendre leur envol et de virevolter à loisir. La structure des ailes, tout particulièrement, est ainsi faite qu'ils sont capables d'en modifier l'envergure ou la forme, permettant toutes sortes de prouesses. Pour braquer, par exemple, ils peuvent étendre l'une de leurs ailes et rétracter l'autre. Le défi pour l'équipe de l'EPFL, ça c'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, qui aura donc été de concevoir et de fabriquer des mécanismes de déformation semblables à ceux des oiseaux et de trouver le bon compromis entre efficacité aérodynamique et poids du drone. Ainsi, les ailes du drone oiseau sont largement construites à base de matériaux composites qui maximisent leur résistance tout en limitant le poids. Les plumes artificielles du drone oiseau sont constituées d'une couche de fibres de verre recouverte d'un tissu en nylon, le tout renforcé par des fibres de carbone. Lorsque les ailes sont totalement déployées, le drone oiseau vole un peu à la manière des drones classiques, de manière agressive, comme disent les chercheurs de l'EPFL, mais rabattre l'extrémité de ses ailes lui permet de résister à des vents violents. Et grâce à un système de contrôle asymétrique, ses ailes peuvent chacune être commandées de manière indépendante. Difficulté d'adaptation qui pourrait être fort utile lorsqu'il s'agira pour le drone oiseau de voler à basse altitude dans un environnement urbain balayé par des vents difficilement prévisibles. Les travaux de cette équipe intéresseront sans doute plus largement le monde de l'aéronautique et qui cherche toujours des solutions pour faire évoluer les gouvernes des avions. Toujours dans les drones, un étudiant du MIT a développé un algorithme de vision stéréoscopique qui permet à un drone de détecter et d'éviter les obstacles en volant à près de 50 km/h en totale autonomie, de quoi améliorer les performances des drones aériens dans des environnements urbains ou naturels denses. Les drones sont toujours plus abordables et pour certains très faciles à piloter. On en voit de plus en plus souvent dans le ciel et les vidéos amateurs d'exploration urbaine sont nombreux sur YouTube. Mais cette popularité s'accompagne aussi d'accidents qui auraient parfois pu s'avérer dramatiques. Récemment à Hollywood, l'article date de 2015 en passant, récemment à Hollywood en Californie, aux États-Unis, un drone a percuté des lignes électriques et provoqué une coupure de courant qui a touché 650 riverains pendant plusieurs heures. À Manhattan, un drone volant à une centaine de mètres d'altitude a heurté un gratte-ciel avant de tomber en vrille, manquant de peu un piéton. Donc on a développé un algorithme de vision stéréoscopique grâce auquel un drone autonome peut voler à près de 50 km/h et éviter les obstacles qu'il rencontre. Le ciel travaille à 120 images secondes, ce qui, selon son concepteur, est 20 fois plus rapide que les applications existantes. Il peut extraire des informations sur la profondeur de champ à une cadence de 8,3 millisecondes par image. Ce programme open source, donc à source libre, est diffusé gratuitement via GitHub. Le drone lui-même a été adapté pour pouvoir réaliser cette performance. Il a une envergure d'environ 90 cm et pèse dans les 450 grammes. Il a été équipé de deux caméras placées sur chaque aile et qui sont contrôlées par le biais de deux processeurs quadruple cœur équivalents à ceux trouvés dans les smartphones. Le coût final de l'appareil et de 1 700 $ américains. Il y a beaucoup d'autres détails sur l'article sur assemblagerequis.com. Continuons sur les drones. Les drones de livraison de colis bientôt testés à Alma. Le centre d'excellence des drones à Alma sera utilisé par une entreprise canadienne qui souhaite livrer des colis par drone, nous dit Radio-Canada. Des tests de vol hors vue y seront effectués. Le projet est toujours en négociation, mais l'entreprise Drone Delivery Canada prévoit commencer l'expérience le printemps prochain. Le directeur du Centre d'excellence des drones, Mark Moffett, précise que la compagnie devra toutefois convaincre Transport Canada que les risques sont limités au maximum. Entrevue à Radio-Canada, la radio, le café Boulot Dodo, il a expliqué qu'Alma était l'un des deux seuls centres au Canada qui permettent de tester les drones pour les vols hors vue. Le promoteur a dévoilé une entente de collaboration avec Bureau en gros pour la livraison de colis par drone. Les discussions sont en cours avec une quarantaine de clients et les premières livraisons expérimentales auront lieu dans le sud de Londres l'Ontario. Toujours en livraison et toujours en drone, Amazon, le géant du commerce en ligne, a annoncé avoir réalisé sa première livraison par l'intermédiaire d'un drone, selon une vidéo mise en ligne sur son site. Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a indiqué dans un tweet que la livraison avait pris 13 minutes entre la commande et la réception par le client. Il s'agissait en fait d'un module de réception de télé en continu Fire TV de Amazon et d'un sac de maïs soufflé. Amazon a indiqué que cette livraison à un particulier avait eu lieu en Grande-Bretagne le 7 décembre dans la région de Cambridge. Le service s'appelle Amazon Prime Air et est appelé à se développer dans d'autres régions du pays après ce premier test en conditions réelles. Amazon avait annoncé le lancement d'un programme de livraison par drone en juillet dernier en Grande-Bretagne, en collaboration avec le gouvernement britannique. Il n'est pas le seul à travailler sur cette méthode. Bien sûr, Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé en août un programme test en collaboration avec l'Agence fédérale de l'aviation américaine dans le cadre d'un projet appelé Wing. Walmart, le géant américain de la distribution classique, envisage également de livrer certains de ses produits par drone, selon les médias américains. Ensuite, des entrepôts volants. On parle encore une fois d'Amazon. Deux semaines à peine après la première livraison par drone, voici que le monde découvrait un brevet déposé par l'entreprise de Jeff Bezos, des entrepôts volants. Le brevet a été déposé en avril 2016, mais il est passé inaperçu pour le grand public jusqu'à ce que Zoe Levitt, analyste spécialisée dans les technologies et le commerce électronique chez CB Insights, ne le découvre et ne tweete l'information. Le concept consiste à faire voler un zeppelin, donc n'importe quel type de ballon dirigeable, auquel serait attaché un entrepôt volant avec un ou plusieurs collaborateurs. Il serait rempli d'objets pour lesquels Amazon prévoit une forte demande dans une zone géographique donnée. Grâce à une connexion Internet, l'équipe apprendrait en temps réel qu'un client situé à proximité a commandé un des objets se trouvant à bord et enverrait immédiatement un drone livreur. Ce procédé résoudrait donc le problème inhérent à tout projet de livraison par drone, à savoir leur faible autonomie. Ce mode de livraison ne peut donc être utilisé que pour des parcours de courte distance, pour les livraisons dans des communes voisines de l'entrepôt. Avec ce brevet, Amazon propose une réponse quant aux perspectives de ce mode de livraison. Si la réglementation est moins contraignante aux États-Unis qu'ailleurs, un projet de ce type se serait heurté à nombre de barrières administratives, à commencer par l'interdiction de survoler les agglomérations, à moins d'avoir une autorisation préfectorale, nous dit-on. Le survol de propriété privée est également interdit en France, et ce mode de livraison n'est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. La généralisation progressive des drones pose aussi le problème des risques d'interception de colis par des gens mal intentionnés au moyen d'un autre drone. Par le passé, Amazon avait déjà breveté un système de trappe disséminé à travers la ville où les drones livreurs pourraient déposer les commandes en attendant que le client vienne les chercher. Ensuite, on va dans l'espace après être allé dans le ciel. Une sorte de mini-parachute qui doit quelque chose aux frères Wright, ces pionniers de l'aviation, pourra désorbiter une charge, par exemple le résultat d'une expérience, afin de le ramener au sol à moindre coût. Mis au point par le centre AMES de la NASA, l'ExoBreak, un engin expérimental, sera testé début 2017 depuis la Station spatiale internationale. L'intérêt pour les missions de retour d'orbite est grandissant. La base des utilisateurs de la Station spatiale internationale s'accroît tandis que baissent les coûts de l'accès à l'espace. De plus en plus, les communautés scientifiques institutionnelles et les agences spatiales ne seront plus les seuls exploitants de l'espace. Se pose alors la question du retour d'orbite de résultats d'expériences multiples et variées. Aujourd'hui, il est coûteux car seules les capsules Soyuz et Dragon sont capables de rapporter du matériel sur Terre. D'où l'idée de la NASA de s'appuyer sur la technique de l'aérofreinage, utilisée pour désorbiter de petits satellites, pour développer l'ExoBreak, un système économique et de conception simple qui permettra de rapporter sur Terre de petites charges utiles. À terme, ce dispositif de désorbitage pourrait remplacer les systèmes de propulsion habituellement utilisés pour cette phase, mais gourmand en énergie et bien plus coûteux qu'un simple parachute. Début 2017, ce concept de parachute spatial sera testé en conditions réelles. Les astronautes à bord de la station vont lancer le CubeSat TechEdSat Tradition 5, qui vient de rejoindre l'ISS à bord du véhicule de transfert H2 japonais, lancé le 9 décembre depuis le centre spatial Tanegashima au Japon. Ce petit exo-break ne va bien sûr pas traverser l'atmosphère terrestre pour poser sa charge au sol. Il s'agit seulement d'un système de freinage qui se déploiera à l'arrière du satellite pour augmenter sa traînée. Ainsi, ralentie progressivement, la charge finira par quitter l'orbite. La déformation contrôlée, combinée à des simulations en temps réel de la trajectoire orbitale, permettra aux ingénieurs de guider le satellite jusqu'au point d'entrée souhaité, sans utiliser de carburant et donc de viser un atterrissage de précision pour de futures missions de retour de charge utile. À l'avenir, cette technologie pourra être adaptée à des missions d'exploration robotique du système solaire et déboucher sur des systèmes de plus grande capacité qui permettront, par exemple, à des satellites de se poser sur Mars ou des astéroïdes, par exemple. Avant cet essai, ce système avait été testé depuis des ballons stratosphériques et des fusées suborbitales lors d'expériences de rentrée aérodynamique suborbitale. Des versions précédentes de l'ExoBreak ont également volé sur des CubeSats de la série TechEdSat. Ça, c'est un article de Futura Science. Maintenant, chez 019.com, Nissan exploite le savoir-faire de la NASA. On reste dans l'espace pour ses voitures autonomes. Nissan donc a annoncé SAM, un système de prise de contrôle à distance pour intervenir lorsqu'une voiture autonome rencontre une situation compliquée qu'elle ne sait résoudre sur la route. L'autre annonce de Nissan sur le CES 2017 qui se déroule, je crois que c'est encore en ce moment, concerne la voiture autonome. Si le groupe travaille évidemment sur le projet, on a découvert lors de la conférence animée par Carlos Ghosn qu'une technologie assez intéressante s'appelle SAM pour Seamless Autonomous Mobility. Cette technologie permet à un opérateur Nissan de prendre la main à distance sur un véhicule autonome. Et pour la créer, Nissan s'est tout simplement associé à la NASA, qui sait d'ores et déjà piloter un robot alors qu'il se trouve sur une autre planète. Donc le défi n'impose pas une telle distance, mais Nissan pourrait alors prendre le contrôle d'un véhicule autonome alors qu'il se trouve à des centaines de kilomètres pour intervenir lorsque l'intelligence de la machine atteint son seuil critique et que la logique humaine doit prendre la main. Exemple de cas concret, le véhicule autonome circule sur une voie encombrée par des travaux. Au sol se trouve une ligne blanche continue. Respectant scrupuleusement le code de la route, la Nissan autonome ne se déportera pas. Pas question de franchir une ligne continue. Eh bien, grâce à SAM, dans ce cas de figure, le véhicule peut identifier la complexité de la situation et contacter un opérateur distant qui pourra alors prendre la main sur la voiture autonome en ayant accès à toutes ses informations, la position GPS et la cartographie, la vision de ses caméras ou encore les informations de son LIDAR, le système de télédétection par laser. À partir de là, l'opérateur pourrait alors dessiner à distance un chemin que la voiture autonome suivra pour reprendre sa route tout en conservant les distances de sécurité avec son entourage. Et comme cette voiture autonome est connectée, on ne nous dira pas encore si c'est une connexion 4G ou quoi d'autre, elle est en mesure de partager l'information avec les autres véhicules Nissan autonomes. Ceux-ci pourront alors prendre leurs propres décisions si les travaux les empêchent toujours de passer. Derrière ce procédé se cache tout simplement la capacité des véhicules à communiquer entre eux et à prendre les différentes situations qu'ils croisent sur la route. Cette technologie Seamless Autonomous Mobility est au final une solution intéressante qui permet de repousser encore un peu plus loin les travaux menés autour de la voiture autonome jusqu'à ce que cette dernière soit devenue assez intelligente pour prendre ses propres décisions. Ensuite de ça, on s'en va à Singapour où un nouvel autobus sans conducteur va transporter des passagers à partir de cette année. La plus récente institution qui investit dans les voyages routiers autonomes, c'est la Nanyang Technological University à Singapour. Selon Fortune, la nouvelle version améliorée de leur autobus sans conducteur devrait arriver sur les campus en 2017. Pour leur minibus de nouvelle génération, la compagnie française Navia a pris le design de son modèle 2013 et a ajouté quelques mises à niveau. Appelé le ARMA, ce bus est capable de transporter 15 passagers entre le campus de NTU et le parc écologique pour entreprises Clean Tech, qui est environ à 1 mile de distance. Tout ça est avec air climatisé, écran tactile. L'extérieur est équipé de sensors et d'autres façons d'éviter les obstacles sur la route. Si vous voulez plus d'informations, l'article de mentorclass.com et sur assemblagerequis.com. On reste dans les autobus. Le bus enjambeur dont on a parlé il y a quelques mois semble aujourd'hui prendre la poussière en Chine. Il y a quelques mois, on s'en rappelle, une vidéo montrait un bus géant en Chine. L'idée était que le bus puisse enjamber les voitures pour transporter jusqu'à 1400 passagers, de quoi fluidifier le trafic routier et offrir des temps de trajet réduits. Malheureusement, il semblerait que le projet ait été abandonné. En août dernier, un prototype tout à fait fonctionnel effectuait un test grandeur nature. Tout ne s'est pas passé comme prévu, semble-t-il, puisque le projet aurait tout simplement été abandonné, si on en croit le rapport de The Paper, la société en charge du projet qui aurait remballé et quitté le village du test, qui s'appelle Kinwang Dao, laissant le bus enjambeur à l'abandon. La raison de l'abandon n'a pas été donnée, mais certains avancent des difficultés techniques et concernant le design. Et selon certains, Transit Explorer Bus, qui gérait le projet, utilisait le scamming pour voler l'argent des investisseurs. Mais quoi qu'il en soit, on ne devrait pas revoir le bus enjambeur sur la route de sitôt. Maintenant, on va à moto avec Honda qui présente une moto qui s'équilibre toute seule. La moto offre un rare sentiment de liberté sur la route, nous dit UberGizmo.com, un peu moins lorsqu'il s'agit de la garer. Et si vous pensez qu'il est nécessaire de sortir la béquille pour stationner votre deux roues, c'est que vous ne connaissez pas la dernière invention de Honda présentée au CES 2017 de Las Vegas. Une moto qui s'équilibre elle-même. C'est un peu difficile à s'imaginer de premier abord, nous dit l'article. Imaginez simplement une moto qui tient debout toute seule, sans tomber d'un côté ou d'un autre. Montez dessous et dessus, oui, montez pas dessous, ça va moins bien. Et elle restera encore debout. Ce système ne semble pas utiliser de gyroscope, mais se base plutôt sur la technologie développée par le concept de mobilité individuelle de Unicob, aussi développé par Honda. La moto est semi-autonome, c'est-à-dire que si elle ne peut pas conduire à votre place, elle peut se servir de son moteur, ses scanners et son sens de l'équilibre pour suivre son propriétaire lorsqu'il se déplace à pied. Le futur est incroyable. Ensuite, on parle de pollution routière qui augmenterait le risque de démence. D'après une vaste étude canadienne portant sur 6,6 millions de personnes, le fait d'habiter près de routes à fort trafic augmente le risque de démence. En milieu urbain, un cas d'Alzheimer sur 10 pourrait être lié à la proximité des axes routiers. Une nouvelle étude parue dans The Lancet révèle les résultats obtenus sur une cohorte de 6,6 millions d'adultes âgés de 20 à 85 ans et vivant en Ontario entre 2001 et 2012. Les participants n'avaient pas de maladie neurologique au démarrage de l'étude. Les chercheurs ont utilisé les adresses postales des participants pour localiser leur habitation et ils ont relevé les nouveaux cas de démence, de Parkinson et de sclérose en plaques. Au cours de cette période, plus de 243 000 personnes ont développé une démence, 31 500 une maladie de Parkinson et 9 250 une sclérose en plaques. Les chercheurs n'ont pas trouvé de lien entre la proximité d'une grande route et la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. En revanche, les démences étaient un peu plus fréquentes chez les personnes vivant près de routes à fort trafic. Le risque de démence augmentait de 7 % pour ceux qui vivaient à moins de 50 mètres d'une route importante. Il augmentait de 4 % entre 50 et 100 mètres, de 2 % entre 101 et 200 mètres. Au-delà de 200 mètres, il n'y avait plus d'augmentation du risque. Les risques les plus élevés étaient observés chez les personnes vivant dans des grandes villes, dans les 50 mètres d'une route majeure et qui n'avaient pas déménagé pendant toute la durée de l'étude. Ça donne plus 12 %. L'étude ne dit pas comment la pollution de l'air ou le bruit peuvent affecter la santé mentale. Une autre étude récente avait montré que des nanoparticules de magnétite présentes dans l'air pollué pouvaient se retrouver dans le cerveau. Ces particules toxiques pour le cerveau conduisent à la production d'espèces réactives de l'oxygène qui sont associées au risque de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, on va à pied. 3 km à pied, ça booste la créativité. Va falloir réécrire les paroles de la chanson. On évoque souvent les bienfaits de l'activité physique sur la santé physique et mentale. En voici une preuve avec cette étude sérieuse qui suggère que la marche à pied, même à faible intensité, stimule la créativité. Musiciens, écrivains, philosophes ou scientifiques, ils sont nombreux à s'être livrés à leur art après leur promenade quotidienne, si bien qu'on en arrive à se demander si le secret de leur inventivité ne vient pas de ces randonnées. Peut-être bien que si, à en lire une étude parue en 2014 dans Experimental Psychology, Learning, Memory and Cognition. Compte en commun donc Rousseau, Tchaïkovski, Beethoven, Dickens, Socrate ou Darwin. Peut-être, oui, doit-il leur génie à leur goût pour la marche à pied. Tous aimaient déambuler plusieurs fois par jour dans les rues de la ville ou de la campagne, à tel point qu'une légende est née autour des bienfaits de la randonnée sur la réflexion et la créativité. Mais jamais cette idée reçue qui traverse les âges n'a été vérifiée selon un protocole scientifique. Au mieux, des études ont effectivement montré que l'activité physique préserve les fonctions cognitives sur le long terme, sans parler des bienfaits pour le reste de la santé. Alors, Mary Lee Opedzo de l'Université Stanford à San Francisco a voulu confronter cette hypothèse populaire à des méthodes rigoureuses avant de la valider devant les évidences constatées. En tout, 176 étudiants de la prestigieuse université californienne ont joué le jeu. Plusieurs petites expériences ont été menées afin de tester l'aptitude de ces jeunes à la pensée divergente, un processus permettant de tester la créativité avant ou après une petite balade à l'intérieur ou en plein air. Ces exercices ont été réalisés assis ou après une session sur un tapis roulant, tandis que d'autres se promenaient sur le campus sur leurs pieds ou poussés dans un fauteuil roulant pour tester si l'air extérieur constituait un facteur stimulant. Parmi les expérimentations proposées, l'une d'elles consistait à trouver un maximum d'utilisation à un objet en 4 minutes. Exemple, à quoi peut servir un bouton? Bon, à boutonner, hein? Ça fait office de poignée de porte dans une maison de poupée. On peut aussi remplacer un œil manquant sur une peluche. D'autres peuvent s'en servir comme passoire de poche ou les laisser tomber derrière pour retrouver son chemin, comme les cailloux du petit pousset. L'imagination pouvait suivre son libre cours, mais dans une certaine limite. Celui qui répondait qu'un pneu pouvait faire office de bague de fiançailles n'était pas pris au sérieux. Hein? Voir marcher dans une pièce exiguë sur un tapis roulant accroissait la créativité de 60%. Une autre tâche demandait même une inventivité plus poussée encore, au cours de laquelle il était demandé aux participants de former une analogie complexe à partir d'une expression. Lorsque la suggestion était un coffre-fort volé, les volontaires devaient trouver une belle métaphore associée. Ceux qui pensaient à un soldat revenu traumatisé, marquant le sentiment de perte et de violation de l'humanité, marquaient davantage les esprits que ceux qui ne songeaient à rien d'autre qu'à un portefeuille perdu. Dans ce cas de figure, 100% des cobayes ayant fait quelques pas ont trouvé au moins une analogie de qualité contre 50% pour ceux qui n'ont pas bougé de leur chaise. Il y a d'autres expériences qui sont expliquées sur assemblagerequis.com, mais on dit que la créativité semble générée par une succession d'étapes, depuis la génération de l'idée jusqu'à son exécution. Néanmoins, il ne deviendra pas Léonard de Vinci qui veut, nous dit l'article de Futurascience, mais en cas de besoin, une petite promenade au fil de l'eau pourrait bien générer un concept spontané et prometteur. Et on termine avec la réalité virtuelle qui peut causer le mal des transports. Ouais, de nouvelles recherches réaffirment que la réalité virtuelle peut provoquer la cinétose ou le mal des transports. Des scientifiques à l'université du Minnesota, à Minneapolis, ont publié une étude qui montre que plus de la moitié des personnes ayant joué à un jeu en réalité virtuelle avec l'Oculus Rift se sont senties malades après 15 minutes. Des experts pensent que ce mal des transports est causé par une confusion entre le mouvement qu'on voit dans le casque de réalité virtuelle et le fait que le corps reste relativement stationnaire. C'est particulièrement vrai aussi pour les utilisateurs de réalité virtuelle de moto. Leur regard reste fixé par habitude sur un point de sortie, ce qui fait que lors de l'amorce de virage, la sensation de nausée est très fortement accentuée dans le casque. Pour s'y habituer, certains préconisent de faire de courtes sessions afin d'habituer leur cerveau et leur oreille interne à la réalité virtuelle. C'est d'ailleurs un affichage de sécurité qu'on retrouve systématiquement dans le PlayStation VR, le casque de réalité virtuelle de Sony. Voilà, c'est tout pour le bloc transport et mouvement de Scénix. Après ça, ça va être Television, mais pour l'instant, on écoute de la musique d'ascenseur. Oui, de la musique d'ascenseur de Super Mario. Pourquoi pas, hein? Par Video Game Orchestra, voici Super Mario Elevator Music. MPS de Mathieu Blanchot sur Scénix. Thank you. Micro D avec Climbing Steel, quatrième pièce de l'album These Quests par Micro D. Avant ça, on a entendu Super Mario Elevator Music par Video Game Orchestra. Oui, c'était un peu bizarre comme chanson, mais j'ai bien aimé quand même. Je salue Martin Lambert des services auditeurs qui dit « Pourrais-tu jouer à une autre sorte de musique cet après-midi? » Ma réponse fut « Jamais » et je vais en mettre encore plus. Maintenant, voici Television, Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 30 derniers jours environ, depuis le début du mois de décembre, où j'ai pas fait d'émission par ce temps-là. Live, en tout cas. Commençons au Québec avec LCN, qui est au premier rang des chaînes spécialisées au Québec, c'est bien vrai. La chaîne d'information continue, c'est ici en tête des sondages cet automne. Elle s'est classée au premier rang des chaînes de télé spécialisées au Québec pour la première fois de son histoire. 3 millions de personnes la regardent chaque semaine selon la firme Numéris. Depuis le 29 août dernier, la chaîne a obtenu des parts de marché hebdomadaires de 3,8% de l'auditoire québécois comparativement à 2,9% pour RDI. Selon M. Fortin, qui est vice-président de TVA Nouvelle, la réussite de LCN s'explique par une programmation solide et par le professionnalisme de ses équipes. Cette nouvelle arrive bien pour LCN en passant que c'est son 20e anniversaire en 2017. Les Québécois ne se désintéressent pas pour autant de ce qui se passe ailleurs, même s'ils aiment beaucoup ce qui est couvert au Québec, parce que c'est surtout le sujet de ce qui est couvert sur LCN. Ensuite, Pierre Hébert fait campagne pour porter un film de Vrac la vie au grand écran. Le tout par le biais d'une bande-annonce accrocheuse, nous dit showbiz.net. On avait entendu parler de ce projet-là de film pour Vrac la vie il y a presque 2 ans, alors que Phil Laprise était de passage sur le tableau, sur le plateau des enfants de la télé. Depuis, il n'y a pas eu un seul mot, mais pourtant, Pierre Hébert confirme travailler sur un scénario avec l'aide de 2 auteurs. Donc, on va peut-être avoir la chance, entre guillemets, de retrouver les 4 amis du secondaire, même si on a l'air d'être dans 30aine avancée, qui se serrent toujours les coudes dans les beaux coups comme dans les moins. Bon, pour mener à bien son projet, Hébert propose donc une excellente bande-annonce, nous dit le site, une bande-annonce prospective dans laquelle on retrouve Pierre, Catou, Phil et Mag. Ceux-ci se rendent au cinéma et aperçoivent une affiche de Vrac la vie, le film. Ça ressemble un petit peu à la bande-annonce des Bougons. La série Vrac la vie a été diffusée de 2009 à 2015 sur Vrac TV et se met en scène Phil Laprise, Pierre Hébert, Marie-Soleil Dion et Marie-Claude Saint-Laurent. Stingray a fait l'acquisition de la chaîne de télé Classica. Peut-être comme moi, ne connaissiez-vous pas la chaîne Classica, mais nous voilà maintenant au courant. Hein? Stingray qui présentera en primeur plus de 50 concerts de musique classique donc pour le reste de l'année, on est en 2017. Le groupe Stingray a conclu une entente donc avec Unitel GmbH & Co. KG visant l'acquisition, l'exploitation et la distribution de la chaîne télévisée payante internationale Classica pour 15 millions de dollars. Le contenu de la chaîne viendra en complément au titre de Euroart et la chaîne télévisée Stingray Brava. En vertu de l'entente, Unitel continuera de produire le contenu diffusé sur les ondes de Classica, tandis que Stingray profitera d'un accès privilégié à un catalogue exclusif de plus de 1500 titres et quelques 2000 heures de contenu produit et détenu par Unitel. Lancé en 1996, Classica propose à plus de 20 millions d'abonnés dans 40 pays des performances scéniques, des premières mondiales et des enregistrements légendaires mettant en vedette les plus grands noms de la musique classique. La chaîne présente des opéras, des ballets et des concerts captés depuis les plus grandes salles de spectacle et les festivals de musique classique les plus réputés au monde. Bonne chance. On va sur Mars maintenant, on dirait qu'on est dans la section CNX ou quelque chose de plus geek, mais non, c'est une série télé, une télé-réalité dans l'espace qui est en retard de 5 ans. On a fait du bruit, grand bruit du projet Mars One visant à expédier des volontaires sur Mars dans un vaste programme de télé-réalité afin de financer l'expédition. Plusieurs experts avaient assuré à l'époque que ce projet était voué à l'échec, avançant même que les moyens prévus par la société ne permettraient pas aux colons de survivre plus de 68 jours. Et bien maintenant, la feuille de route de Mars One, disponible sur son site, qui est mars-one.com, a récemment été mise à jour. On y apprend donc que le fameux départ devrait avoir lieu en 2031 au lieu de 2026. Si tel est vraiment le cas, peut-être faudra-t-il songer à renommer l'expédition, puisque l'équipe de SpaceX, qui dispose de davantage de moyens, a prévu de poser le pied sur la planète rouge dès 2024. Donc ce serait Mars 2 dans leur cas. Pourquoi assurer un tel retard? Simplement parce que la mission s'avère extrêmement coûteuse et que Mars One ne dispose pas encore des moyens pour mettre en œuvre son projet. On rappelle que même aujourd'hui, de nombreux scientifiques ne croient pas à la viabilité du plan Mars One et qui se retrouvent même à attaquer de l'intérieur. Si celui-ci s'organise de manière prématurée et mène à un échec, c'est toute la conquête spatiale qui risque de prendre du plomb dans l'aile. Et ça, ce serait vraiment dommage, nous dit The Verge. Ensuite, un dérivé, on va aux États-Unis maintenant pour un dérivé de How I Met Your Mother qui est en chantier encore. L'esprit de la comédie Comment je l'ai rencontré de CBS, arrêté en 2014, renaîtrait de ses cendres par le biais d'une série dérivée écrite par les scénaristes de la nouveauté en vogue en ce moment aux États-Unis, This Is Us, selon le Hollywood Reporter et Deadline. Baptisé, encore une fois, c'est on dirait la même nouvelle que je me rappelle avoir fait il y a genre 2 ans. Baptisé How I Met Your Father, le projet ne se présenterait pas comme un spin-off, un dérivé à proprement parler, mais plutôt comme le pendant féminin de la série originale diffusée de 2005 à 2014. La comédie réutiliserait les ficelles narratives de son aîné. Une femme raconterait à ses enfants via des flashbacks, des retours en arrière, sa quête semée d'embûches pour rencontrer leur père. Cette idée, on s'en rappelle. Il avait déjà eu CBS en 2014. L'émission s'appelait à l'époque How I Met Your Dad et non pas Father. Je trouve que Father est beaucoup plus approprié pour aller avec Mother, tu sais. Dad, ça irait avec How I Met Your Mom, mais bon. Bref, un pilote avait été tourné avec l'actrice Greta Gerwig dans le rôle principal et Meg Ryan dans celui de la narratrice, remplaçant donc Josh Radnor et Bob Saget. L'épisode n'avait cependant pas séduit les dirigeants de la chaîne à l'époque. L'arrivée de Isaac Aptaker et Elizabeth Berger pourrait donc relancer le projet. Les scénaristes se sont distingués cette année avec This Is Us, une série qui utilise elle aussi les flashbacks pour alimenter son récit dramatique. La nouveauté de NBC a séduit le public américain avec plus de 14 millions de téléspectateurs chaque semaine. How I Met Your Father serait présentement en cours d'écriture. Aucune chaîne ne serait encore liée au projet, qui n'atterrira pas d'office, donc pas nécessairement sur CBS. Rien n'indique non plus que ce serait à New York que ça se passerait. Maintenant, on reste people de parler de Meg Ryan il y a quelques secondes. Une série télé pour Julia Roberts. L'actrice vedette Julia Roberts est la dernière star hollywoodienne en date à se lancer dans un projet télévisuel. Elle va jouer dans une série tirée d'un roman, selon le site Hollywood Reporter. La série est inspirée d'un livre de l'auteure américaine Maria Semple, Today Will Be Different. C'est elle-même qui écrira l'adaptation pour le petit écran de son roman dont le personnage central, Eleanor Flood, se lève un jour avec pour ambition de reprendre sa vie en main et donner le meilleur d'elle-même. Mais les événements prennent toutefois un tournant inattendu, inquiétant et étrange, selon les notes de l'éditeur. La star de 49 ans qui vient de jouer dans Money Monster de Jodie Foster aux côtés de George Clooney et dans la comédie à succès Joyeuse Fête des Mères n'avait fait jusqu'alors que des apparitions limitées de vedettes invitées dans des productions télé, entre autres, c'était quoi, elle était dans Friends, non, à un moment donné, ouais. Bref, elle a fait aussi un téléfilm qui s'appelle The Normal Heart, voilà. Ensuite, on y va avec, Meg Ryan, j'en ai parlé tout à l'heure, qui a décroché un rôle dans une nouvelle série, Picture Paris, bientôt diffusée sur la chaîne payante Epix, selon le site Deadline.com. Ça se base sur le court-métrage de 2011 du même titre, écrit et réalisé par Brad Hall, dans lequel jouait sa femme, Julia Louis-Dreyfus. Il racontait l'histoire d'une maman de banlieue qui doit gérer son syndrome du nid vide, emptiness syndrome, comme on dit, en planifiant un voyage à Paris, au cours duquel tout ne se passe pas comme prévu. Brad Hall se chargera également du scénario et de la réalisation de l'adaptation télé. Il en sera par ailleurs le producteur exécutif aux côtés de Meg Ryan, Aaron Kaplan et Dana Hunter. Si Epix n'a pas souhaité commenter les informations de Deadline, le site internet du film indique que la chaîne a accéléré son développement. Le tournage devrait avoir lieu en France. Cette adaptation marquera le retour de Meg Ryan à la télé depuis son rôle dans Wild Side sur ABC en 1985. Elle était devenue une star mondiale l'année suivante en jouant Carol Bradshaw, la femme de Nick Goose Bradshaw dans Top Gun, avant de faire carrière dans les comédies romantiques, la plus célèbre évidemment étant Quand Harry rencontre Sally. Dernièrement, elle a toutefois fait 2 apparitions mineures dans la 3e saison de la série Web Therapy, oui, de Lisa Kudrow. Avec Picture Paris, Meg Ryan, 55 ans, suit les traces, encore une fois, de Julia Roberts. Maintenant, une adaptation télé pour un pari cruel. Finalement, c'est non. Non, ça n'aura pas lieu. Le film Pari cruel, sorti en 99 avec notamment Sarah Michelle Gellar, était sur le point de connaître une nouvelle vie sous la forme d'une série télé. Et bien, finalement, le projet est annulé. Mais le studio Sony TV pourrait ne pas avoir dit son dernier mot. La chaîne américaine NBC, qui avait commandé un épisode pilote à Sony la saison dernière avec Sarah Michelle Gellar reprenant son rôle de Catherine Merteuil, personnage issu du célèbre livre Les Liaisons Dangereuses. Après le tournage de l'épisode, NBC n'a pas souhaité développer l'idée malgré de longues discussions avec le studio. Depuis maintenant 2 mois, Sony cherchait à vendre la série à d'autres chaînes. Il se dit qu'une autre adaptation du film pourrait malgré tout voir le jour dans le futur. Aux côtés de Sarah Michelle Gellar, on retrouvait dans cette adaptation Taylor John Smith, Kate Levering, Samantha Logan et Sophina Brown. Le projet a notamment été produit par Roger Cumble, le réalisateur du film à l'époque. Toujours aux États-Unis, la naissance, oui, du rock'n'roll racontée dans une série. Série sur la naissance du rock'n'roll à Memphis dans les années 50. Sun Records débutera le 23 février sur la chaîne américaine CMT. Sun Records tire son nom de la maison de disques basée à Memphis, devenue le berceau du rock'n'roll blanc pour avoir lancé la carrière de jeunes musiciens devenus des légendes de la musique. La série retracera ainsi les débuts de Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis. Filmé par Roland Joffé, qu'on connaît pour La Cité de la Joie, la série dramatique s'appuie sur la comédie musicale Million Dollar Quartet, elle-même inspirée d'une séance d'enregistrement improvisée qui réunit quatre légendes du rock et de la country. C'est l'article français, ça paraît. Le 4 décembre 1956, alors que Jerry Lee Lewis, Johnny Cash et Carl Perkins sont en studio pour enregistrer, ils sont rejoints par Elvis Presley, venu rendre visite à son ancienne maison de disques. L'enregistrement ne fut commercialisé que des années plus tard, après la mort du King sous le nom de Million Dollar Quartet. Quatre jeunes acteurs inconnus du grand public ont été choisis pour incarner à l'écran les musiciens. On parle de Kevin Fontaine de l'émission Melissa and Joey qui va jouer Johnny Cash. Christian Lees de Tale of Tales va jouer Jerry Lee Lewis. Dustin Ingram de l'émission Vinyl, qui est un peu dans le même domaine comme série, va jouer Carl Perkins. Et Drake Milligan, dont c'est le premier rôle, va jouer Elvis Presley. Un seul visage connu, c'est quand même un assez grand nom pour les fanatiques d'émissions dramatiques. Chad Michael Murray, l'ancienne vedette des frères Scott, interprétera Sam Phillips, le directeur de l'étiquette Sun Records, qui a découvert ses talents. Sun Records complétera l'offre 2017 de CMT en matière de série. On se rappelle que c'est CMT qui relance Nashville, la série musicale centrée sur l'univers country qui provenait de ABC. La cinquième saison débute le 5 janvier, donc vient de débuter, sur la chaîne CMT. Ensuite, toujours aux États-Unis, c'est la grosse nouvelle du moment depuis le mois de décembre, la série Will Grace qui va bel et bien être de retour. On avait soupçonné ça avec un mini épisode qui avait eu lieu par rapport à Donald Trump récemment. Bref, évoqué par de nombreuses rumeurs depuis quelques mois, le retour de la série culte de NBC, Will & Grace, est véritablement dans les tuyaux de la chaîne américaine qui aurait commandé 10 épisodes pour 2018. Will, Grace, Karen et Jack étaient revenus pour un mini-épisode spécial, comme je viens tout juste de le dire, à l'occasion de l'élection présidentielle américaine en septembre, pour soutenir la candidate démocrate Hillary Clinton. Les aventures des quatre New-Yorkais excentriques ont fait les beaux jours de NBC entre 1998 et 2006. L'une des actrices qui a participé à la série, Leslie Jordan, qui joue le rôle de Beverly Leslie, qui est la rivale de Karen, a confirmé lors d'un entretien radiophonique sur KPBS que la série était bel et bien de retour. Donc, NBC a commandé 10 épisodes pour la prochaine saison, apparemment. L'annonce officielle, je ne l'ai pas dans l'article, mais j'imagine a eu lieu ou aura lieu bientôt. Une chose qui a été confirmée par contre, c'est le changement de chaîne pour Megyn Kelly qui passe à NBC. C'est vraiment majeur comme nouvelle. Donc, le réseau chouchou de la droite américaine, Fox News, perd son animatrice vedette. Ça dit sur l'article de la presse, dur coup pour Fox News. D'après moi, ils vont s'en remettre. Sur Twitter, la journaliste Megyn Kelly a expliqué qu'elle avait accepté de rejoindre les rangs de NBC News où elle animera une émission quotidienne en semaine le matin et une émission d'information hebdomadaire le dimanche soir en plus de participer aux émissions spéciales de NBC News. Employée de Fox News depuis une douzaine d'années, Megyn Kelly a beaucoup fait parler d'elle en 2016. Sa prise de bec avec Donald Trump lors d'un débat des candidats républicains a fait couler beaucoup d'encre. Il a également accusé son patron Roger Ailes de harcèlement sexuel dans son autobiographie Settle for More. Son livre s'est retrouvé en tête des meilleurs vendeurs du New York Times. Ce nouveau contrat avec NBC News fera de Kelly l'une des animatrices les mieux payées à la télé américaine. Selon le Wall Street Journal, la dernière année de son contrat avec Fox lui a garanti un salaire de 15 millions de dollars US. Contrat qui, je crois, n'est pas terminé. Il me semble qu'elle commence chez NBC seulement à l'été prochain. Donc quand même un petit congé. Et après ça, on va recommencer à travailler et puis à l'automne lancer son talk show. On soupçonne que le talk show de Megyn Kelly va être dans la case de 9h du matin. Donc la troisième heure du Today Show. Il y a le Today Show qui est leur équivalent de Salut Bonjour à 4h. Donc 2h plus normale. La troisième heure qui est du blabla. La quatrième heure qui est friendly. Cathy Lee et Oda Lee et Oda Cudby. Donc d'après moi, la troisième heure qui est l'heure un petit peu creuse de l'émission va être remplacée par Megyn Kelly. On va voir, sinon ça pourrait être d'autres choses. Il y a d'autres cases horaires, entre autres le téléroman Days of Our Lives qui pourrait très bien être retiré. On verra ça, on va suivre le dossier bien sûr. Un documentaire sur le KKK a été annulé. Oui, moins d'une semaine après l'annonce ou de la diffusion en janvier d'une série documentaire sur le Ku Klux Klan, la chaîne A&E a fait marche arrière et annulé la production. Dans un communiqué adressé aux médias, le réseau a expliqué avoir dû renoncer à Escaping the KKK, a documentary series exposing hate in America, donc une série de documentaires qui expose la haine aux États-Unis, car une des compagnies de production tierces impliquées dans le projet avait monnayé, présumément, la participation de certains protagonistes au documentaire. Une pratique qui contrevient, j'espère bien, avec l'entente morale que A&E avait prise envers le public, mais aussi à divers partenaires, de ne pas rémunérer les membres du groupe haineux américain, ou en fait n'importe qui, je pense, non, il me semble, pour ce genre de choses, pour aller à l'encontre de, leur, de leurs actions qu'ils auraient fait véritablement. L'annonce de la production avait provoqué une vague de contestation, même si elle se donnait pour mission de suivre des familles qui tentaient d'échapper à l'emprise du KKK. Certaines associations craignaient que le documentaire ne normalise les actions de ses membres. Ce que j'ai lu dans un autre article, celui-là est de la presse, mais j'avais lu que, genre, certains, mettons, il y avait un gars qui avait pas rapport du tout, qui s'est fait dire, genre, tiens, je te paye, et fais semblant que tu veux peut-être te joindre au KKK. Le gars, il a fait comme, ok, j'ai besoin d'argent, mais finalement, il était pas intéressé du tout à joindre. Et l'autre gars, c'était, il avait fait semblant qu'une femme était sa femme, mais c'était pas vraiment sa femme. Ou des affaires comme ça, où la femme, genre, a jamais menacé son mari de le laisser. Si jamais il ne voulait pas quitter le Ku Klux Klan, mais ils l'ont payé pour dire « Hey, si tu quittes pas le KKK, je te quitte. » Tu sais, genre de... La télé-réalité, là, de nos jours, c'est pas nécessairement la réalité, hein. Justement, c'est pas nécessairement la réalité. Vous avez peut-être entendu parler de la télé-réalité où les concurrents avaient, entre guillemets, le droit de tuer et de violer. Plusieurs médias de masse qui chassent, bien sûr, les lecteurs, hein, ont diffusé cette nouvelle-là. Le jeu Game to Winter, une nouvelle télé-réalité russe dont les concurrents avaient présumément le droit de commettre de vrais meurtres et viols pendant le tournage de l'émission. Et bien, selon Snopes.com et selon pas mal toute la recherche que n'importe qui a fait, cette émission spéciale-là, n'était rien du genre. Hein? C'est un genre de Hunger Games qu'on annonçait. Les lecteurs qui ont repéré l'article sur les médias sociaux ont souvent raté un sous-titre moins visible et légèrement contradictoire qui disait, je cite, « Les concurrents signent une entente reconnaissant qu'ils ne pourront peut-être pas survivre à 9 mois de défis sauvages en Sibérie. Et si des crimes sont commis, les concurrents seront arrêtés. » Selon Deadline, Game to Winter est l'épreuve ultime de survie en Sibérie et ça va durer 9 mois et permettra de mettre en compétition 30 concurrents masculins et féminins à une température de moins 40 degrés Celsius dans une forêt lointaine avec des ours et des loups, alors qu'ils se disputent un prix de 1,6 million de dollars. Ce sera donc une série qui sera diffusée en ligne à partir du 1er juillet l'an prochain et se terminera le 1er avril 2018. La série sera diffusée 24 heures par jour, 7 jours par semaine autour du monde. C'est l'idée originale de l'entrepreneur Yevgeny Shpietovsky qui a créé et qui finance l'émission. Il investit 100 milliards de roubles, qui est environ 3,5 millions de dollars, dans la série qui sera diffusée en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en chinois et en arabe. L'annonce officielle de la série dit « Chaque participant donne son consentement pour qu'il puisse être mutilé, voire tué. 2000 caméras, 900 hectares et 30 vies. Les règles disent tout. Tout est permis. Combat, alcool, meurtre, viol, tabagisme et tout. » Dans une entrevue, un entretien le mois dernier, Piatowski a déclaré que tous les candidats potentiels signent des contrats en reconnaissant qu'ils pourraient être violés ou tués. Le 18 novembre, il a dit qu'il y avait déjà 32 personnes qui s'étaient inscrites, y compris un Américain. Quelques jours plus tard, la liste avait atteint 60 candidats. Selon les journaux russes, les participants sont néanmoins prévenus que la police viendra les chercher s'ils commettent des crimes. Évidemment. Il faudra aussi s'approvisionner en nourriture, blablabla, plein d'autres détails comme ça qui sont un petit peu moins sensationnalistes sur assemblagerequis.com. On est rendu à la fin du premier bloc de Television. Il nous en reste un deuxième. On va parler seulement d'Internet dans le deuxième bloc et de télé en général, mais il n'y aura plus de nouvelles sur des émissions. Bah, en tout cas, bref. Vous allez voir, c'est un bloc particulièrement en ligne qu'on va se faire tantôt, mais avant ça, on écoute une pièce qui s'appelle Commodorable. C'est cute, hein? C'est Commodorable et Commodore 64. Donc voici l'artiste Jar, Commodorable, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou! 89.1 FM. We'll be right back. C'est fou. 89.1. Sometimes. C'était Party Animal par Game, Future Brian 3. Et avant, c'était Commodore Ball par Jar. Maintenant, c'est la suite de Television Television. Toujours Television Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles. On a beaucoup de choses à rattraper et là on parle de télé en ligne, mais avant on parle de télé en général. Avec le visionnement en rafale, 10 statistiques clés sur les habitudes des Canadiens. Par intermédiaire de plateformes par contournement, comme on l'appelle en français, c'est du over-the-top en anglais, tel que Netflix ou encore Club Illico, les enregistreurs numériques personnels ou d'autres sources, il est facile d'accéder à plus de contenu télévisuel et ainsi de consommer encore plus ce média. L'Observatoire des technologies médias, l'OTM, présente donc 10 statistiques clés sur les habitudes de visionnement en rafale des Canadiens, une pratique qui consiste à regarder 3 épisodes ou plus de l'émission au cours d'une même séance de visionnement, tirée de son sondage 2015-16. On découvre que 54% des Canadiens ont regardé l'émission de télé en rafale au cours de la dernière année et 22% le font plusieurs fois par semaine. Bien que 72% des 18-34 ans pratiquent cette activité, elle n'est pas seulement réservée aux plus jeunes puisque 58% des 35-49 ans et 48% des 50 à 64 ans le font. Voilà. Vous pouvez aller voir le reste des renseignements. Je vais pas lire l'article au grand complet, mais c'est sur assemblagerequis.com. Quelques petits chiffres comme ça. 37% regardent leur télé en rafale par enregistreur numérique personnel. 22% des adeptes du visionnement en rafale le font plusieurs fois par semaine. 46% se fait par Netflix. Et 63% des Canadiens dont le revenu familial est de plus de 100 000 $ sont des adeptes du visionnement en rafale. Voilà. Ensuite, un nombre record de séries télé diffusées en 2016. C'est bien vrai, quelques 455 séries télé ont été diffusées dans une nouvelle saison en 2016 aux États-Unis selon les données de FX Research Networks. Un nouveau record lié au développement de programmes originaux par les nouvelles plateformes vidéo en ligne par abonnement, bien sûr. Par rapport à l'an passé, la télévision américaine a diffusé 34 séries de plus sur ses différents canaux. En 6 ans, le contingent de séries actives hors rediffusion a plus que doublé, donc plus de 110%, passant de 216 à 455 selon le service d'études de la chaîne câblée FX qui appartient au groupe 21st Century Fox. Ces statistiques ne comprennent pas les programmes de télé-réalité ou les télécrochets, ce qu'on appelle en France. Donc imaginez-vous, là, ça ne comprend pas les télé-réalités, on parle de 455 fictions. Wow! Cette croissance effrénée est essentiellement due à l'émergence d'une concurrence pour les grandes chaînes nationales gratuites, ABC, CBS, NBC et Fox, qui étaient historiquement les grandes pourvoyeuses de séries télévisées. L'offre des chaînes câblées incluses dans la plupart des bouquets de base, hors chaînes optionnelles, a progressé de 144% en 6 ans et a été multipliée par 5 depuis 2002. Mais leur nombre tend à se stabiliser ces dernières années et même en léger repli en 2016 par rapport à 2015, 188 séries contre 181. Ce sont désormais les plateformes de télévision payantes en ligne, principalement Netflix, Amazon et Hulu, qui prennent le relais. Après avoir longtemps nourri presque exclusivement leur catalogue de films et de séries produits par d'autres et achetés après diffusion sur un autre canal, elles se sont lancées dans la création de programmes originaux avec des budgets considérables. Entre 2009 et 2016, le nombre de séries produites par l'ensemble de ces plateformes est passé de 4 à 93. Leur nombre a même doublé lors de la seule année écoulée, donc 46 en 2015. En 2016, les grandes chaînes gratuites nationales n'ont représenté que 31% de l'offre de séries contre 74% en 2002. Si vous trouvez que votre liste de séries à regarder est grosse, demandez-vous pas pourquoi ça s'écoule pas, hein? Peut-être trop de séries, là. Justement, parlant de séries, le top 10 des séries les plus piratées en 2016, la série... je vais me taire sur le numéro 1, on va faire ça dans l'ordre quand même, hein? Quelques heures à peine après la mise en ligne de l'épisode final de cette série-là, le fichier avait été partagé plus de 350 000 fois, je vous dis pas encore lequel, téléchargé plus de 1,5 million de fois dans les 8 premières heures suivant sa sortie. Le dernier épisode de la saison 5 de cette série-là reste à ce jour le plus piraté de l'histoire. Sur la deuxième marche, on retrouve The Walking Dead. Donc on y va dans l'ordre. À partir de la dixième, on retrouve The Grand Tour. C'est une série originale de Amazon qui est la suite de Top Gear. C'est des émissions de Charles. En 9e, Suits, qu'on appelle en français Les Deux font la paire. En 8e, Lucifer. En 7e, Vikings. 6e, The Big Bang Theory. En 5e, Arrow. En 4e, Flash. 3e, Westworld. 2e, je l'ai dit, c'est The Walking Dead. Et en première place, ben vous l'aurez deviné, c'est bien sûr Game of Thrones. Parlant de piratage, le gouvernement américain dévoile sa liste noire des plus grands sites pirates. Le gouvernement américain donc qui diffuse une liste des sites enfreignant les lois sur le copyright et la contrefaçon à travers le monde pour inciter les autorités internationales à agir. Aux États-Unis, on ne badine pas, on ne niaise pas avec le piratage de contenu. Après avoir consulté les majors et les représentants des ayants droit, le gouvernement américain a mis à jour sa liste mondiale des sites pirates à abattre. Le bureau du représentant américain au commerce, le USTR, a commencé par se féliciter dans son rapport de la fermeture de plusieurs sites facilitant le téléchargement. Évidemment, des sites qui sont revenus plus tard, là, sous d'autres adresses, Kickass Torrents, entre autres, et torrents.eu, ou encore le site ukrainien d'hébergement de fichiers, ex.ua. Il a répertorié plus de 20 sites impliqués dans le piratage et la contrefaçon de marques déposées. Il encourage dans son rapport toutes les autorités responsables à intensifier leurs efforts pour lutter contre ces comportements et à utiliser les informations contenues dans ce document pour poursuivre des actions judiciaires le cas échéant. L'USTR précise que cette liste ne reflète pas les actions légales en cours ou ne constitue pas une analyse complète de l'état des violations de la propriété intellectuelle. Ceci étant dit, voici donc la petite liste qui est disponible en version complète en PDF sur assemblagerequis.com. On retrouve The Pirate Bay, extratorrent.cc, rutracker.org, rarebg.to et 1337x.to. Autre catégorie de sites pointés du doigt, ceux qui permettent le téléchargement direct, entre autres putlocker.is, darkwaris.pl, bookfee.net, myeggy.to. On continue avec les hébergeurs de fichiers, entre autres foreshared.com, nowvideo.sx, uploaded.net et rapidgator.org. On trouve également des sites privés donnant accès à des fichiers piratés en exploitant une faille dans la législation de leur pays, comme de watch-series.to, projectfree-tv.to. Nouveauté cette année, on intègre aussi une liste de stream ripping, une pratique qui consiste à réaliser une copie de contenu diffusé en streaming. On parle entre autres de youtube-mp3.org. Et enfin, on trouve des sites divers comme le réseau social russe VKontakt, accusé depuis plusieurs années de promouvoir le piratage, la plateforme de jeux illégale Catcher.net et des sites asiatiques proposant des contrefaçons comme Taobao.com, Gongchang.com ou Moiban.net. L'article, encore une fois, est sur assemblagerequis.com. Netflix, c'est exactement ce que vous devriez regarder après avoir regardé une série en rafale. Vous devriez vous fier aux habitudes de 86 millions d'utilisateurs. Hein, regarder la télé en rafale, on l'a dit tantôt, c'est vraiment très populaire. Une fois qu'on fait play et qu'on finit une série, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une nouvelle recherche de Netflix qui essaie de répondre à la question en analysant les données de 86 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays. Ils ont annoncé leur découverte récemment. Une des révélations, c'est que 36% des inscrits ou encore 31 millions de personnes prennent une pause pour regarder après avoir regardé une série ou un documentaire avant d'en commencer une autre. Ça a du sens, donc on regarde une série remplie d'émotions, on attend et on commence une autre plus tard. Par exemple, si on regarde Breaking Bad, on prend une pause et on regarde Pulp Fiction, qui est un autre drame de crime assez macabre, mais plus drôle que Breaking Bad. Donc on prend un petit genre de pause, changement de domaine, si on veut. Les gens qui regardent Stranger Things, après ça, peuvent regarder peut-être Zootopia, pour prendre une pause de tout ce qui est glauque. Hein? De l'autre côté, l'émission dramatique de prison pour femmes, Orange is the New Black, hein, suivi par le drame financier de Big Short, pour changer complètement de domaine. Donc c'est des phénomènes sociaux qu'on regarde. Il y a d'autres exemples sur assemblagerequis.com de drôles de pères. Voilà. Ensuite, L'application, on parle de réalité virtuelle maintenant, l'application Netflix VR pour la Daydream View est maintenant disponible. Quoi de mieux que Netflix pendant peut-être des trajets interminables? Et bien Netflix, avec le mode hors ligne, ça fonctionne, mais maintenant aussi, il y a Netflix VR compatible avec Daydream View. Vous ne verrez plus le temps ni le paysage défiler, nous dit-on. Si vous avez, donc, vous avez un abonnement à Netflix et que vous possédez le matériel nécessaire pour profiter de la réalité virtuelle de Google Dream View, Daydream View, oui, vous allez être heureux d'apprendre que l'application Netflix VR est enfin disponible. Ça se répète beaucoup, ces articles-là. Hein? Donc, c'est un peu une application Netflix, mais repensée pour la réalité virtuelle en immergeant l'utilisateur véritablement dans son film ou sa série. Netflix n'est pas le premier à offrir ça. HBO et Hulu l'ont déjà fait. Malheureusement, pour l'instant, Netflix VR n'est compatible qu'avec les casques Daydream View. Les autres systèmes matériels comme logiciels sont exclus, mais ça peut être un point supplémentaire à prendre en considération pour ceux qui décident d'acheter un casque de réalité virtuelle. Justement, on reste dans le domaine de la réalité virtuelle avec Halcyon Showcase qui présente une série pour Oculus Rift. Showcase donc qui lance Halcyon, H-A-L-C-Y-O-N, une série hybride sur la réalité virtuelle pour Oculus Rift et Samsung Gear VR. C'est 10 courts webisodes et 5 épisodes interactifs de VR et c'est créé et produit par Secret Location, une entreprise canadienne acquise par Entertainment One plus tôt cette année. La série suit l'enquête sur la mort mystérieuse du PDG de la plus importante société de réalité virtuelle au monde. La série met en vedette Michael Therrio, Lisa Marcos et Harvin Sandhu. Elle est produite avec la participation financière de Independent Production Fund et de l'Ontario Media Development Corp. Voilà, allez voir l'extrait, une petite bande-annonce, un sneak peek sur assemblagerequis.com. Ensuite, Netflix a fabriqué son propre Mr. Bear, celui qui écoute la série La Femme à la Maison, Full House et leur reboot Fuller House sur Netflix en ce moment. Et bien, ils ont fabriqué Mr. Bear, qui est un personnage, si on veut, le toutou de Stephanie dans l'émission. Bref, quand tu câlines, quand tu serres, quand tu étreins Mr. Bear, ça part Fuller House saison 2. C'est pas magnifique, ça. Donc, avec l'agence numérique basée à Pittsburgh, Deep Local, Netflix est associé avec eux pour créer donc un appareil connecté sur ce libre pour la saison des fêtes. Donc, pour aller avec la sortie de Fuller House saison 2, on a ramené l'ours de Stephanie Tanner en achetant un cœur qui brille. Et lorsqu'on le câline, ça se connecte avec un autre ours dans la maison ou même dans un autre pays. Et ça va commencer à clignoter rouge de l'autre côté aussi. Et quand les deux oursons sont câlinés en même temps, Netflix allume les deux côtés. C'est magnifique. Donc, allez voir l'article pour en savoir plus sur assemblagerequis.com. Amusant, pas super utile, mais quand même. Ensuite, on a parlé il y a quelques semaines de ça, quelques mois, de le bus magique qui allait revenir sur Netflix. Eh bien, il y a des collègues de classe, hein, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, des collègues de classe, qui vont aussi être de retour dans l'émission. Donc, ça fait 20 ans que Madame Fizzle, son caméléon Liz et le reste de Magic School Bus ont quitté les ondes. Il y a eu des reprises, bien sûr, mais Netflix, comme on l'a déjà dit, ramène l'émission à un autre reboot, encore une fois. Ça a été annoncé pour la première fois, c'était en 2014, j'ai dit qu'il y a quelques mois, mais c'était il y a quelques années. Donc, Stu Stone, qui faisait la voix de Ralphie, a récemment partagé quelques détails sur le casting. Stu Stone va donc reprendre son rôle dans la nouvelle version, a-t-il dit à TMZ. Il y a plusieurs autres acteurs qui vont être de retour, qui ont déjà signé le contrat. Et on a cherché aussi... il y a des vedettes, de grandes vedettes du cinéma et de la télé qui veulent participer, donc peut-être qu'il va y avoir des apparitions spéciales. The New York Times a dit que l'émission allait être en graphisme par ordinateur avec quelques trucs ajoutés à la version moderne comme un bus revampé et des nouveaux gadgets. Ça devait commencer en 2016, mais la production a été remise à plus tard. C'est présentement en train d'être fabriqué. Des vedettes qui n'ont pas encore été confirmées m'ont dit Dolly Parton, Carol Channing, Alex Trebek et Tom Cruise peut-être qui seraient parmi les célébrités. Ah non, on dit que c'est des vedettes qui avaient participé à l'émission dans le passé. Donc peut-être est-ce qu'ils vont leur demander de revenir. Et en passant, je savais pas ça. Je savais pas ça, mais la chanson thème d'origine de Magic School Bus est par Little Richard. Colin, ça me surprend tout ça. La CSC cible la chaîne YouTube des recettes pompettes. La société Bagel Productions qui édite la chaîne YouTube Les recettes pompettes de Monsieur Poulpe, ça c'est la version française, pas la version avec Eric Salvay, vient de recevoir un avertissement officiel du CSA. L'organisme chargé de faire respecter les lois régissant la communication audiovisuelle estime que la chaîne fait la propagande de l'alcool et menace le jeune public. Je me rappelle en avoir parlé en bref en décembre, mais on y revient. Donc, les recettes pompettes, c'est une chaîne YouTube animée par Monsieur Poulpe qui reçoit à chaque émission, qui a environ, il y a deux à trois, deux par mois. Et donc, une célébrité qui l'aide à cuisiner. Après avoir visionné le premier épisode du programme Les recettes pompettes, mis en ligne le 13 avril 2016, Le CSA a constaté qu'il contenait de très nombreuses références à l'alcool. Il a considéré que ce programme, en assurant une présentation de l'alcool susceptible d'encourager le public à sa consommation, était constitutif d'une propagande en faveur de l'alcool, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article L3323-2 du Code de la santé publique. Le conseil a donc mis en garde l'éditeur contre le renouvellement d'un tel manquement. Le 8 juillet dernier, la société Bagel Productions avait déjà été prévenue que le CSA considérait son émission comme un service de médias audiovisuels à la demande, comme une grande partie des émissions professionnelles sur YouTube. À ce titre, la production est tenue de respecter des obligations parmi lesquelles on trouve, entre autres, la protection des mineurs. C'est bien. Et on y va pour terminer avec 14 000 copies de Jerry Maguire dans un club vidéo pop-up. C'est des pop-up, c'est des affaires qui arrivent puis qui s'en vont plus tard. Donc, très peu d'entrepreneurs ouvriraient donc une chaîne de boutique VHS en 2017, mais le collectif Everything is Terrible a temporairement ramené le modèle en ajoutant quelque chose d'absurde inspiré des années 90. C'est Slash Film qui nous dit que le groupe a emmagasiné plus de 14 000 copies VHS de Jerry Maguire de 1996 et qui vont lancer une boutique pour que les gens puissent leur donner de l'argent. Donc, ça s'appelle le Jerry Maguire Video Store qui va ouvrir le 13 janvier. Donc, on parle de vendredi, c'est bien ça, à la I Am Made Beat Gallery de LA. Et ça va être diffusé jusqu'au 29 janvier. Les visiteurs vont voir une réplique exacte d'un magasin de jeux de clubs vidéo et bref, finalement. Donc, pareil comme à l'ère de Jerry Maguire. Sauf qu'à la place d'avoir toutes les comédies du monde, toutes les dramatiques du monde, on va avoir seulement la version VHS de Jerry Maguire. Ça va durer, comme je disais, 2 semaines et demie, mais Everything is Terrible travaille sur le projet depuis 8 ans, qui cherche des copies VHS de Jerry Maguire. Wow! C'est ça, c'est à peu près tout. Bon, le reste des détails sur leur amour de Jerry Maguire, peu importe, on va s'en passer. Mais allez voir la publicité de Everything is Terrible et leur boutique Jerry Maguire sur assemblagerequis.com. Et comme on est rendu à la fin de ce premier bloc de Television, non, c'est le deuxième celui-là, hein? On passe à Merci Science tantôt. On se quitte avec la pièce d'origine de notre ami Little Richard, Magic School Bus. Placez plein de choses sur ses filles. Seatbelts, everyone! Please let this be a normal field trip with a friend. No way! Cruising on down Main Street, you're relaxed and feeling good. Next thing that you know, you see it. Puss in my neighborhood. Surfing on the sine wave, swinging through the stars. Take a left at human testing. Take your second right past Mars. I'm a magic school bus. Navigator nostril. I'm on the magic school bus. Make a plane turn to. Take that. I'm on the magic school bus. Rock the river of life. Such a fine thing to do. So strap your bones right to the seat. Come on in and don't be shy. Just to make your day complete. You might get baked into a pie on the magic school bus. Step inside, it's a wild ride. Come on, ride on the magic school bus. Venom avec Life is Strange, précédé de la chanson thème du bus magique de Magic School Bus par Little Richard. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On a encore une fois deux blocs, donc on va voir si on réussit à passer au travers aujourd'hui. On commence en sexualité avec les poils pubiens. L'épilation totale est associée au risque de maladies ou d'infections transmissibles sexuellement. Oui, tels que gonorrhée, herpès, chlamydia ou syphilis, le risque augmente encore plus chez les adeptes de l'épilation intégrale et très fréquente. Les infections sexuellement transmissibles ou ITS sont en hausse, comme le montrait en France le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Agence Santé publique France, publié au début du mois de décembre, d'où l'importance de comprendre les raisons de cette recrudescence. Les rapports non protégés favorisent leur transmission, mais existe-t-il d'autres facteurs? L'épilation des poils pubiens est devenue une pratique courante chez les femmes, comme chez les hommes partout dans le monde. Les canons de la beauté et de la séduction ont évolué au fil du temps et les poils sont devenus indésirables. Pour savoir si celle du pubis influençait la transmission des ITS, des chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont compilé les résultats d'une étude sur les habitudes de 7580 adultes américains, dont 56% d'hommes. Les participants ont répondu à des questions sur la fréquence et l'intensité de leur épilation, totale ou partielle, sur les moyens utilisés pour éliminer les poils pubiens, et sur leur vie sexuelle. Parmi eux, 7470 ont eu au moins un partenaire sexuel. Les chercheurs ont considéré comme épilateurs extrêmes ceux qui faisaient des épilations intégrales des poils pubiens au moins 11 fois par année et comme épilateurs très fréquents ceux qui s'épilaient quotidiennement ou toutes les semaines. Les résultats paraissent dans la revue Sexually Transmitted Infections. Très descriptif comme nom de revue, ça. Les trois quarts des participants s'étaient déjà épilé les poils pubiens, plus de femmes, 84%, que d'hommes à 66%. Parmi ces personnes, 17% étaient des épilateurs extrêmes et 22% des épilateurs très fréquents. Dans l'ensemble, les personnes qui s'épilaient étaient plus jeunes, plus actives sexuellement et avaient eu plus de partenaires sexuels dans l'année ou au cours de leur vie. Le nombre de partenaires des épilateurs extrêmes était le plus élevé. Concernant les moyens d'épilation, le rasoir électrique était l'outil préféré des hommes, alors que chez les femmes, c'était plutôt le rasoir manuel. Vive les poils incarnés dans ce cas-là. Une personne sur cinq utilisait des ciseaux. Hein? Une personne sur cinq utilisait des ciseaux. Les femmes avaient recours plus souvent à la cire que les hommes. Au total, 13% des participants, dont 943 personnes, ont déclaré avoir déjà contracté une ITS ou des morpions. Hein? Dans l'ensemble, le fait de s'épiler était associé à une augmentation de 80% du risque. L'intensité et la fréquence des épilations jouaient un rôle. Chez les épilateurs extrêmes ou très fréquents, leur pratique de l'épilation était associée à un rythme multiplié par un facteur de 3,5 à 4, en particulier pour des infections qui se font par contact de la peau, comme l'herpès et l'HPV. Pour les morpions, globalement, le fait de s'épiler était associé à un risque plus élevé, mais l'épilation extrême et très fréquente n'était pas associée au risque. En effet, l'épilation réduit la quantité et la longueur des poils pubiens et donc diminue le risque de morpion. Comme il s'agit d'une étude d'observation, il n'est pas possible de conclure sur un lien de cause à effet. Pour expliquer ces résultats, les chercheurs émettent plusieurs hypothèses. L'épilation, considérée comme une étape préparatoire à une relation sexuelle, peut être associée à une activité sexuelle plus élevée, et donc à un rythme d'ITS plus important. Et de plus, l'épilation peut causer de petites plaies sur la peau par lesquelles les bactéries et virus entrent plus facilement, ce qui est tout à fait logique. Parlons de poils! C'est rare que j'utilise cette phrase-là, je vais la répéter. Parlons de poils! Pourquoi les femmes préfèrent les torses imberbes? Plusieurs théories tentent d'expliquer pourquoi la plupart des femmes préfèrent les hommes aux torses imberbes. L'une des hypothèses est que l'absence de poils limite les risques de maladies parasitaires aussi bien pour lui que pour elle, ce qui serait un critère de sélection sexuelle. Mais une étude slovaque remet tout ça en cause. La séduction passionne beaucoup les chercheurs. Après ceux qui tentent de comprendre pourquoi les seins des femmes plaisent tant aux hommes, d'autres s'intéressent aux effets des torses masculins poilus ou non sur l'attirance féminine. Une théorie dite de l'évitement des ectoparasites est remise en cause par un travail des chercheurs de l'Université Trnava en Slovaquie, même si leurs résultats sont contestables. Le zoologiste britannique Desmond Morris décrit l'homme comme le singe nu, selon le titre d'un de ses ouvrages. Pourquoi sommes-nous le seul primate à ne pas arborer une toison complète sur l'ensemble du corps? Les biologistes cherchent la réponse dans les lois de l'évolution. Pour que l'espèce humaine ait perdu peu à peu ses poils, cela devait procurer un avantage. L'hypothèse dominante consiste donc à penser que les poils, même s'ils réchauffent, favorisent l'installation de parasites tels que des poux, dégradant les conditions de vie. Très peu pour mesdames qui auraient eu une préférence pour les hommes au torse dégarni, risquant moins de les contaminer. C'est l'hypothèse de l'évitement des ectoparasites. mais cette vision des choses relève davantage de l'empirisme que de la validation scientifique. Alors Pavel Prokhov et son équipe ont voulu tester la théorie. Leur idée, si l'attirance pour les torses imberbes est guidée par la volonté de ne pas s'attraper de parasites, alors elle doit être encore plus prégnante, oui, chez les femmes vivant dans des territoires aux nombreuses maladies parasitaires. Leur analyse publiée en 2012 dans Archives of Sexual Behavior a montré que ce n'est pas tout à fait le cas. Le protocole a fait appel à 344 étudiantes, 161 d'entre elles étaient turques et les 183 autres avaient la nationalité slovaque. La Turquie connaît un taux de maladies parasitaires comme le dengue, le paludisme ou la schistosomiase, plus élevé que la Slovaquie. Tu vois que je parle pas souvent de sec ici, de sexe. Je parle de sec, par contre, très souvent. Ici, les scientifiques peuvent tester l'hypothèse en partant du principe que les femmes d'Anatolie manifesteraient davantage d'intérêt pour un corps masculin sans poils que celles d'Europe centrale. Ces volontaires avaient pour mission de noter l'attirance que suscitaient chez elles les clichés de torse d'hommes poilus ou non. Pour éviter leurs biais expérimentaux, les auteurs ont demandé aux mannequins de se photographier avant puis après s'être rasé la poitrine, de façon à ce que le seul paramètre qui change soit vraiment la fourrure pectorale et abdominale. Leurs prédictions originelles n'ont pas été vérifiées. Turquaise et slovaquaise, turc et slovaque préfèrent. On dirait une émission de divertissement, genre turquaise et slovaquaise. Préfèrent dans des taux très similaires à près de 80% les hommes les moins velus, peu importe les taux de maladies parasitaires. Les femmes n'aiment pas les poils. Les auteurs comptaient élargir leur étude et y inclure d'autres peuples pour vérifier l'universalité de leur découverte. De précédents travaux avaient par exemple montré que les Camerounaises préféraient les torses bien garnis, à la différence des chinoises, néo-zélandaises ou encore californiennes. Mais cela pourrait être plus complexe encore. La période du cycle menstruel rentrerait en ligne de compte. Durant sa phase de fertilité, une femme aimerait davantage les hommes imberbes tandis qu'elle manifesterait plus d'intérêt aux poils le reste du temps. Mais avant de poursuivre plus loin leur expérience, il est à noter un point un peu bancal. Comme précisé, les scientifiques considèrent la perte de poils comme un avantage adaptatif contre les maladies parasitaires et principalement contre les ectoparasites, ceux qui, à l'instar des poux, vivent à nos dépens de la surface de notre corps. Or, si effectivement les parasitoses sévissent plus en Turquie qu'en Slovaquie, les trois maladies qu'ils spécifient dans leur travail, comme le paludisme, le dengue et le schistosomiase, sont causées par des endoparasites dus à des vecteurs retrouvés à l'intérieur du corps. On voit mal comment ils peuvent invalider l'hypothèse de l'évitement des ectoparasites s'ils ne s'y intéressent pas. Les hommes sont vraiment plus malades que les femmes, nous dit-on. Des chercheurs suggèrent que les virus ont évolué de façon à toucher les hommes plus sévèrement que les femmes. Elles seraient épargnées car elles transmettent plus souvent des virus lors d'une grossesse ou de l'allaitement. Les hommes font-ils de la comédie quand ils sont malades, nous demande l'article de Futura Science. Eh bien, d'après un article paru dans Nature Communications, de nombreuses infections causent effectivement des symptômes plus sévères chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, les hommes risquent plus de mourir de la tuberculose que les femmes, et les hommes infectés par le virus Epstein-Barr, celui de la mononucléose, développent deux fois plus souvent le lymphome de Hodgkin. L'hypothèse souvent avancée pour expliquer ce phénomène est que les femmes auraient un système immunitaire plus puissant grâce à leurs hormones sexuelles qui jouent un rôle dans l'immunité. Mais deux chercheurs de l'Université de Londres avancent une nouvelle explication, c'est que les femmes sont plus intéressantes en tant qu'hôtes pour les agents infectieux car elles peuvent passer leurs infections pendant la grossesse. Ou encore la naissance et l'allaitement. Il y aurait donc une pression évolutive qui favorise les virus plus virulents chez les hommes que chez les femmes. Donc, dans l'article, les chercheurs se sont intéressés au cas du virus HTLV-1 qui peut conduire à une leucémie mortelle. Au Japon, les hommes infectés par HTLV-1 risquent 2 à 3,5 fois plus que les femmes de développer cette leucémie et d'en mourir, alors qu'aux Caraïbes, les deux sexes sont autant atteints. Les chercheurs ont utilisé un modèle mathématique pour montrer que la sélection naturelle semble favoriser les virus qui rendent les femmes moins malades. Dans le cas de l'HTLV-1, la différence entre le Japon et les Caraïbes serait due au fait que les femmes allaitent leurs bébés plus souvent et plus longtemps au Japon. Mais comment le virus se détecte-t-il si l'hôte est de sexe masculin ou féminin? Peut-être par l'environnement hormonal. Vincent Janssen, un des deux auteurs de l'article, suggère une nouvelle piste thérapeutique dans New Scientist, faire croire au virus qu'il est chez une femme et non chez un homme. Allez lire l'article, il y a beaucoup plus d'informations sur assemblagerequis.com. Parlant de grossesse, la grossesse modifierait le cerveau des femmes pendant plusieurs années. Selon une étude, la grossesse entraîne d'importantes modifications dans le cerveau qui persistent pendant au moins 2 ans après. Dans quelle région se produisent-elles et pour quelles raisons? Pour préparer la mère aux exigences de la prise en charge du bébé, proposent les auteurs. La grossesse est accompagnée par des changements physiologiques et physiques drastiques dans le corps en raison des fortes poussées d'hormones. Des modifications au niveau du cerveau liées aux hormones n'ont été observées pendant la puberté, mais jusque-là, pas à la suite d'une grossesse. C'est pourtant l'objet d'une étude qui vient de paraître dans Nature Neurosciences, menée par Oxema. Elle s'appelle Eczema. Ses collègues de l'unité de recherche en sciences cognitives, département de psychiatrie et médecine légale à l'Université de Barcelone. L'équipe a analysé à l'aide d'examens d'imagerie avant et après l'accouchement 25 femmes devenues mères pour la première fois afin de caractériser les changements structurels induits par la grossesse dans la matière grise de leur cerveau. Par comparaison avec les cerveaux de 19 pères, 17 hommes sans enfants et 20 femmes n'ayant jamais accouché, les femmes dont c'était la première grossesse ont présenté une matière grise réduite dans les régions associées aux aptitudes sociales, comme la perception et l'interprétation des désirs, des émotions, des intentions, et de l'humeur d'autrui ou de soi-même. Ce sont des dispositions qui présentent des déficiences dans certaines pathologies ou handicaps comme la schizophrénie et l'autisme. Les auteurs ont observé une augmentation de l'activité neurale, dans certaines de ces régions cérébrales modifiées par la grossesse, lorsqu'ils ont montré aux mères des photos de leurs propres nourrissons. Enfin, une séance d'images de suivi a permis de constater que presque toutes ces réductions de matière grise étaient maintenues chez les mères dont c'était le premier enfant près de 2 ans après l'accouchement, à l'exception d'une récupération partielle du volume de la matière grise dans l'hippocampe, la région associée avec la mémoire. Les chercheurs suggèrent que ces changements peuvent préparer une femme aux exigences sociales d'une maternité imminente. Ce modèle de changement structurel pourrait être en outre utilisé pour distinguer les cerveaux des femmes qui ont finalement accouché de celles qui ne l'ont pas fait, ainsi que pour prédire la qualité de l'attachement des mères à leur nourrisson dans la période postpartum, souligne l'article scientifique. Wow! Toujours en reproduction, je dirais, parce que l'amour rend vraiment ivre. L'hormone de l'amour, c'est-à-dire l'ocytocine, aurait les mêmes effets sur le comportement et les émotions que l'alcool. Alcool et ocytocine agissent tous les deux sur la transmission du GABA dans certaines régions du cerveau et favorisent la confiance, la générosité, la présence de risques, voire l'agressivité. Ne parle-t-on pas parfois de l'ivresse de l'amour? Il semblerait que cette expression trouve une justification scientifique avec les nouveaux résultats que publient des chercheurs britanniques sur l'effet de l'hormone de l'amour, l'ocytocine. Hormone peptidique produite par l'hypothalamus et sécrétée par l'hypophyse postérieure, l'ocytocine est notamment fabriquée par les femmes au moment de l'accouchement, où l'hormone joue un rôle important dans la mise en place du lien entre la mère et l'enfant. Mais l'ocytocine intervient aussi dans l'attachement qui se crée lors des relations amoureuses et de manière générale dans le lien social avec les proches. Dans un article paru dans Neuroscience and Behavioral Reviews, des chercheurs de l'Université de Birmingham ont comparé les études qui existent sur l'ocytocine et l'alcool et voulaient voir quelles pouvaient être les similarités des effets sur le comportement humain. Comme l'explique l'auteur principal, nous pensions que c'était une aire qui méritait d'être explorée, alors nous avons compilé la recherche existante sur les effets à la fois de l'ocytocine et de l'alcool et nous avons été frappés par les incroyables similarités entre les deux composés. L'ocytocine augmente les comportements sociaux comme l'altruisme, la générosité et l'empathie. Elle nous rend plus susceptibles d'accorder notre confiance aux autres. Et si certains se donnent du courage en buvant un verre d'alcool afin de dissiper peur et anxiété, l'ocytocine semble procurer ces mêmes effets et mimerait les effets de l'alcool. En effet, l'administration intranasale de neuropeptides est associée avec une augmentation de l'altruisme, de la générosité, de l'empathie et de la confiance tout en diminuant peur, anxiété et stress. Mais l'hormone a aussi une face sombre. Comme l'alcool, elle peut inciter à des comportements agressifs, à la colère, peut-être parce que les mères sont aussi programmées pour être plus agressives afin de protéger leur bébé. Les similarités entre l'alcool et l'ocytocine seraient liées à des actions similaires dans le cerveau. Une dose d'alcool ou d'ocytocine favoriserait donc la détente, la confiance et augmenterait la prise de risque. L'ocytocine pourrait ainsi proposer une solution pour traiter certaines situations psychiatriques ou psychologiques. Mais si l'ocytocine peut nous donner du courage pour affronter des situations intimidantes, le chercheur préconise une méthode plus naturelle que la prise d'hormones, qui est d'embrasser son partenaire. Les petits garçons préfèrent les poupées aux camions. À 5 mois, les petits garçons comme les filles du même âge manifestent davantage d'intérêt pour les poupées que pour les voitures. De quoi remettre en cause les cadeaux. Les camions, c'est pour les garçons, les poupées pour les filles. Ces affirmations légèrement sexistes pourraient tomber à l'eau, au moins pour les premiers mois de la vie des bébés. En effet, une étude menée par Paola Escudero de l'Université occidentale de Sydney a remis en cause ces schémas traditionnels. Notre société est-elle vraiment équitable? A priori, non. Les origines ethniques ou sociales peuvent favoriser ou même désavantager, dans certains contextes, un genre ou l'autre. Globalement, les schémas familiaux ou professionnels restent les plus souvent de l'ordre du traditionnel. Les femmes réalisent toujours l'essentiel des tâches ménagères, alors que cela pourrait rendre les hommes heureux d'y participer. et n'occupent globalement pas les mêmes fonctions que leurs homologues masculins. La distinction commence même dès le plus jeune âge. Les petites filles reçoivent en cadeau des poupées et des costumes de princesse, alors que les garçons se voient offrir des camions et des Legos. Se pose alors aux scientifiques la question de savoir ce qui relève du naturel et ce qui tient du culturel. Vaste problème, les études précédentes tendent à montrer qu'effectivement, dès 6 mois, les garçons préfèrent les jouets à roulettes, alors que les filles demandent davantage à prendre soin d'un poupon. Une propension qui relèverait du moins partiellement de l'inné, si on en croit les résultats de recherche de 2008 menés chez les macaques. Les mâles testés préféraient intrinsèquement les voitures, tandis que les femelles, avaient des goûts bien plus variables. Cependant, un article publié en 2013 dans le Journal of Experimental Child Psychology a jeté un peu le trouble et sous-entend que ces préférences ne seraient pas forcément observées dès la naissance. Paola Escudero et ses collègues ont recruté 24 garçons entre 4 et 5 mois et autant de filles du même âge. Ils ont également fait participer 48 adultes des deux sexes, à l'expérience. Le principe est simple et fréquemment utilisé dans les recherches menées sur les bébés. On suit leur regard en considérant que ce qui était pillé le plus longtemps est préféré par les nouveaux-nés. Ainsi, des photos de visages d'hommes, de femmes, de jouets, de poupées, de voitures et de fours. De fours ont été présentés à tous les participants. Tous les groupes manifestaient plus d'attention pour les visages réels, surtout pour ceux qui sont du sexe opposé, même chez les tout-petits. Quant aux objets, les poupées fascinaient davantage les bébés que les voitures, y compris chez les garçons. Pas de différence liée au genre dans la petite enfance, donc. Restera aux chercheurs à déterminer les raisons qui poussent les deux sexes à préférer spontanément un type de jouet plutôt qu'un autre. Trois pistes ont été avancées: un changement physiologique, les différences dans le développement cognitif et la pression sociale. Quoi qu'il en soit, il ne faut en aucun cas faire des généralités. Les garçons aussi ont le droit de vouloir une poupée ou les filles un camion de pompier. Ça révèle aucunement d'un dysfonctionnement particulier. C'est simplement un désir d'enfant facile à combler, nous dit l'article de Futura Science. On a parlé de ça en intro. Pour les femmes, la taille du pénis compte quand même. On dit souvent que c'est pas la taille du pénis qui compte. Pourtant, elle jouerait un rôle dans l'attirance qu'ont les femmes pour les hommes. Celles-ci préfèrent avoir affaire à un mâle avec un gros sexe. Voilà. Mais ça ne suffit pas. D'autres paramètres entrent en jeu. Au regard de nos cousins primates, les hommes sont dotés d'un gros et large engin. Certes, il existe de nettes différences inter-individuelles, mais les fesses sont là. Les scientifiques s'interrogent depuis des années afin de comprendre pourquoi les mâles humains sont si bien équipés. Plusieurs théories ont été émises. L'une d'elles considère, par exemple, que les espèces les mieux dotées sont aussi les plus volages. L'homme, ce monogame, est-il finalement né pour l'infidélité? Pas forcément, car une autre hypothèse vient pointer du doigt que cette excroissance de chair non rétractile comme dans d'autres espèces et non camouflée sous un épais matelas de poils servirait de critère pour la sélection naturelle. Autrement dit, les femmes seraient plus attirées par les hommes à gros sexe. Et de génération en génération, l'évolution nous aurait permis de nous distinguer fortement des autres singes à ce niveau-là au moins. Cependant, la science n'est pas unanime sur ce point. Différentes recherches aboutissent à des résultats divergents et paradoxaux. Parfois, la taille compte bien, parfois elle n'a aucune influence. Mais toutes ces études sont biaisées, car elles considèrent la longueur du pénis indépendamment d'autres caractéristiques physiques. Or, l'attirance répond à quelque chose d'un petit peu plus complexe. Ainsi, des chercheurs de la National Australian University ont élaboré un protocole pour déterminer l'importance de l'entrejambe masculine dans l'attirance féminine en fonction d'autres facteurs déjà connus pour plaire aux femmes, comme la taille et la largeur des épaules par rapport aux hanches. Les résultats qui en intéresseront plus d'un ont été publiés en 2013 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, les PNAS. En tout, 105 femmes hétérosexuelles âgées en moyenne de 26 ans, ont été recrutées. Elles devaient évaluer sur une échelle de 1 à 7 des images d'hommes nus modélisées par ordinateur. Ces mâles virtuels existaient sous 7 tailles différentes, avec 7 longueurs de pénis différentes, mais aussi 7 largeurs d'épaules. Chaque femme a visionné un total de 53 silhouettes sur les 343 disponibles. Conclusion, mieux vaut être grand, costaud et avoir un long sexe pour séduire les femmes. Pas de révélation ici. En fait, oui, parce qu'il y a finalement plein de nuances. La taille du pénis est un paramètre influent. L'attirance augmente très fortement pour chaque centimètre gagné au-dessus de 7,6 cm de repos. À partir de ce seuil, les femmes jugent toujours mieux les hommes au long sexe, mais l'impact devient alors beaucoup moins important. Un homme comme un effet, un peu comme un effet, oui, un peu comme un effet seuil, bien que jusqu'à 13 cm, la longueur maximale dans l'étude, les notes n'ont cessé de monter. À noter quand même qu'une étude précédente révélait que la taille moyenne était d'environ 9 cm au repos. Or, les autres caractéristiques physiques considérées interviennent et rendent les calculs plus complexes, car un homme de 1m85 avec un pénis de 7 cm sera aussi bien noté qu'un mâle de 1m70 avec une verge de 11 cm. Les hommes les plus grands gagnent plus de points d'assurance, augmentation de taille de pénis équivalente, que les hommes qui sont plus petits. Ces deux paramètres sont quoi qu'il en soit supplantés par les hommes pourvus d'un buste en V, particularité très importante auprès de la gente féminine. Bref, il n'est pas question de revisiter tous les cas de figure un à un, mais de mesurer l'impact de la taille du pénis sur l'attirance des femmes. Certes, la longueur compte, mais tout ça est également modéré par d'autres caractéristiques physiques externes. Cependant, à la lecture de cette étude, on ne peut pas en dire plus. En effet, s'il semble que les femmes aient pu sélectionner positivement les hommes au plus gros sexe, il reste beaucoup de questions en suspens. Le pourquoi d'abord? Y a-t-il un lien avec l'efficacité reproductive? On sait qu'en général, les préférences pour les partenaires se jouent sur des critères ayant un lien direct avec la survie de la descendance. En quoi un gros pénis affecterait la fécondation, on se le demande. Certes, cet aspect peut favoriser le plaisir féminin, mais est-ce suffisant? Et là, l'article a deux autres paragraphes très très longs. Je vous laisse aller les lire sur Assemblage Requis si ça vous intéresse. Et je crois qu'on va terminer sur celui-là, un implant activé par la chaleur pour traiter les troubles de l'érection. Le dysfonctionnement érectile. Les dysfonctionnements érectiles sont très délicats à soigner de manière efficace, les effets secondaires étant souvent fort désagréables. Mais aujourd'hui, les chercheurs américains ont mis au point une prothèse bionique qui s'active à la chaleur, et les résultats semblent très prometteurs. L'équipe de l'Université du Wisconsin-Madison vient de boucler avec succès une importante phase de test de leur implant. Selon les scientifiques, celui-ci pourrait résoudre les problèmes de 50% des hommes âgés de 40 à 70 ans ayant des troubles de l'érection. Les chercheurs ont utilisé du nitinol, un alliage de nickel et de titane pour leur prothèse. Ce matériau est extrêmement élastique. À température ambiante, l'implant reste mou. Ils ont démontré qu'une prothèse basée sur du niti peut produire les forces mécaniques nécessaires pour produire une érection simulée sans requérir une pompe ou un réservoir, pardon, comme les prothèses existantes. Il y a une petite vidéo sur assemblagerequis.com qui explique davantage de détails sur le fonctionnement de cet étrange implant. Les chercheurs travaillent désormais à concevoir un appareil pour déclencher l'érection. Voilà, c'est tout pour ce segment de Merci Science. On va faire un petit peu de CNX tantôt, mais vraiment pas beaucoup. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes, quinzaine même. Voici donc Higher Tigers avec la pièce Vintimint et MPS le Mathieu Plonge. We'll be right back. Eye Your Tigers avec Vitamin T pour Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est le segment geek CNX. CNX, la collecte de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Commençons, en fait, continuons en sexe un peu, hein, avec le sexe et les robots. Ensemble, bientôt une réalité selon des chercheurs. Avoir des relations sexuelles avec des robots, c'est pour demain, a prédit un chercheur en intelligence artificielle lors d'une conférence consacrée aux jouets sexuels interactifs et aux relations avec les humanoïdes à Londres. Si le cinéma et la télé, avec récemment par exemple Ex Machina et la série Westworld, ont largement exploré l'idée des androïdes comme objet de séduction, les robots sexuels restent pour l'instant du domaine de la science-fiction. Cela devrait changer rapidement, prédit toutefois le spécialiste David Levy, avec l'arrivée des premiers robots sexuels quelque part l'an prochain, donc en 2017. L'article date de fin 2016, c'est bien ça? Exactement. Donc, l'entreprise californienne Abyss Creations en effet annoncé vouloir mettre sur le marché dès 2017 des robots sexuels qui présentent toutes les apparences de l'humain. En attendant, les dernières trouvailles en matière de jouets sexuels électroniques ont été présentées lors de la conférence organisée par l'université Goldsmith de Londres, comme cette application mobile permettant aux couples d'échanger des baisers à distance baptisée Kissinger. Une autre application qui propose d'échanger des bruits et des sensations de léchage, Teletongue, est en cours de développement à l'université Keio de Tokyo. Lynn Hall, département de sciences informatiques de l'Université britannique de Sunderland, estime que les robots pourraient créer une expérience sexuelle fantastique. Elle dit qu'il y a plein d'avantages au sexe avec les robots. Vous n'attrapez pas de maladie, vous pouvez contrôler. Et selon elle, il n'y a aucun risque de le voir supplanter le sexe entre humains. Justement, hein, le premier mariage avec un robot d'ici 2050. La robotique est en pleine expansion à tel point que de nombreux débats de société commencent à germer. Avec les problématiques de l'emploi traitées par des individus comme Elon Musk ou bien celles du sexe avec les machines dont on parlait il y a quelques secondes, on sait que certaines personnes acceptent de plus en plus l'idée de faire un jour l'amour avec des robots. Ces derniers seront programmés pour nous ressembler, nous servir, ne jamais nous décevoir et être particulièrement efficaces au lit. Alors pourquoi pas? Hein? Le sujet pourrait s'étendre à la culture maritale, comme le précise le docteur David Levy ici. Alors que l'amour et le sexe avec les robots sont des idées de plus en plus acceptées, nous devrions parvenir à la possibilité du mariage avec les robots. Le premier de ces mariages pourrait d'ailleurs avoir lieu, selon lui, avant 2050. L'argument faisant du robot l'épouse ou l'époux idéal reste sensiblement le même que celui qui a fait de lui un amant parfait qui ne désobéira pas à sa programmation. Reste qu'avant qu'un tel mariage ait lieu, il faudrait d'abord que les États concernés légifèrent et tranchent à la fois les questions légales et éthiques soulevées par un tel rapprochement entre l'homme et la machine, même s'il ne s'agit là de l'opinion que le seul chercheur a traduit l'image qu'une partie de la communauté scientifique a du robot, un être parfait, idéal pour les relations humaines. Voilà. Ensuite, on parle d'Amazon. On reste chez les robots. Amazon qui emploie plus de 45 000 robots dans ses entrepôts. Si vous vous baladez dans un des 20 entrepôts géants d'Amazon aux États-Unis, vous y croiserez de nombreux employés, mais aussi des robots. À la fin de 2016, ils étaient 45 000 à se balader dans les grandes allées du géant du commerce en ligne, selon le Seattle Times. Fin 2015, il n'y avait que 30 000 robots travaillant pour Amazon et 15 000 en 2014. On ne sait pas encore combien d'employés a embauché la société en 2016, mais le quotidien américain note qu'en 2015, il y avait 230 000 humains qui travaillaient dans les entrepôts. Au troisième trimestre, la société avait augmenté sa masse salariale de 46% par rapport à l'année précédente. On ne peut donc pas vraiment dire que les robots volent pour l'instant le travail des humains. Les machines qui travaillent pour Amazon sont de plusieurs types. Il y a des bras robotiques classiques, par exemple, mais aussi et surtout les fameux petits robots roulants Kiva. La société qui les produit a été rachetée par Amazon en 2012 pour 775 millions de dollars. Ils peuvent transporter des étagères entières de produits de manière autonome. Pour autant, tous les travaux un peu plus précis sont réalisés par des humains, enfin pour l'instant. De manière générale, Amazon cherche à automatiser au maximum son fonctionnement. En décembre, on annonçait un nouveau concept qui n'est pas encore ouvert au public, qui est le supermarché sans caisse, qui détecte automatiquement ce que vous avez ajouté à votre panier. Amazon s'est également fait remarquer avec son système Prime Now de livraison de nourriture et autres produits en moins d'une heure. Ces petits entrepôts, limités à quelques grandes villes, les produits sont éparpillés de manière aléatoire. C'est un ordinateur qui calcule le parcours le plus court pour l'employé lorsqu'il prépare une commande. Justement, parlons d'Amazon, obligé de dormir dans des tentes pour pouvoir travailler. Ça fait peur. Amazon ne fait peut-être pas, ne fait peut-être jamais autant de trafic qu'à Noël. Pourtant, si la société de livraison à domicile nous semble idéale, elle est moins pour certains employés. En Écosse, plusieurs d'entre eux sont contraints à dormir dans des tentes aux portes du bâtiment s'ils veulent boucler leurs 60 heures de travail par semaine. Pourquoi? Parce que les salaires sont extraordinairement bas, entre 3 et 5,7 euros de l'heure, après soustraction des charges pour une navette leur permettant de rentrer chez eux, 8,7 euros chaque jour. Certains ouvriers, interrogés par le journal écossais The Courier, habitent trop loin loin pour pouvoir se permettre les billets de train aller-retour. Faute de solution, ils sont obligés de dormir sur place dans des tentes qu'ils aménagent eux-mêmes. Pour autant, Amazon ne semblait pas plus alarmé que ça de la situation. Paul Ashraf, manager régional, général pardon, des opérations pour la branche UK d'Amazon, affirme que le géant américain s'occupe effectivement de ses employés et qu'il ne s'agit que d'un mois un peu compliqué, le mois de décembre. Deux intelligences artificielles entretiennent la plus longue conversation au monde. Quelqu'un a eu l'idée de diffuser en direct une conversation infinie entre deux Google Home. Ah wow, vous allez voir à quel point une conversation entretenue par deux intelligences artificielles peut être ennuyante et totalement inoffensive, nous dit branchez-vous.com. Les deux Google Home s'obstinaient à savoir s'ils s'aimaient, à quel point ils s'aimaient, et tentaient de savoir ce que l'autre aimait faire pour le plaisir, voilà. Quelques instants auparavant, Vladimir et Estragon, c'est les noms des Google Home, étaient prisonniers d'une boucle où ils s'échangeaient les paroles de la chanson One Thing de One Direction. Quelques minutes auparavant, c'était la chanson What Makes You Beautiful, toujours de One Direction. Heureusement, un problème de serveur semble les avoir libérés de cette triste monotonie de séance de karaoké. Donc, on va écouter cet extrait de C-Bot's Chat sur... c'est plus live en ce moment et la vidéo n'est pas archivée sur Twitch. C'est vraiment plate, ça. J'aurais voulu entendre l'extrait. Dommage, que voulez-vous? Hein? C'est comme ça. Toujours dans CNX, peut-être une petite dernière nouvelle, allons-y, avec le téléphone du futur. Tiens, c'est chez Microsoft cette fois-ci. Dévoilé en mars dernier, la technologie Holoportation de Microsoft est un système de messagerie en réalité augmentée qui simule la présence physique d'une personne lors d'une conversation à distance. Ce système de téléportation virtuelle vient d'être optimisé pour fonctionner en mobilité. D'ici quelques années, Skype, la messagerie VoIP, Voice over IP, voix sur protocole Internet de Microsoft, pourrait bien nous permettre de nous téléporter. Pas physiquement, mais virtuellement sous la forme d'avatars réalistes qui apparaîtront lorsque deux personnes entameront une conversation à distance. Le concept existe déjà dans les laboratoires de Microsoft Research. Il se nomme Holoportation et a été dévoilé en mars. Il s'agit d'un ensemble de caméras 3D disposées tout autour d'une pièce qui filme la personne en temps réel. Les différents flux vidéo sont assemblés de manière à concevoir un avatar réaliste qui va être transmis et projeté dans une autre pièce en face de l'autre interlocuteur. Les deux utilisateurs peuvent voir les avatars respectifs, en réalité augmentée en chaussant une paire de lunettes HoloLens ou un casque Vive de HTC. Ils peuvent se faire voir et se parler comme s'ils étaient dans la même pièce, mais ne peuvent pas se toucher. Le système peut aussi enregistrer des séquences. L'une des possibilités amusantes qu'on peut voir dans la première vidéo de démonstration de l'Holoportation est de rétrécir les personnages virtuels, ce qui permet de revivre des conversations en s'observant à la troisième personne. Façon Princesse Léa, genre. Comme on peut le constater, le système nécessite une installation conséquente qui rend encore lointaine la perspective d'un produit grand public, mais Microsoft vient de faire un pas important dans cette direction. C'est fantastique tout ça. Un dispositif Holoportation a été installé et testé avec succès dans une voiture en déplacement. En se servant d'une connexion Wi-Fi pour le transfert des données, les chercheurs de Microsoft expliquent avoir réduit la bande passante requise de 97% en utilisant une technique de compression à propos de laquelle ils ne livrent aucun détail. Allez voir quand même le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Voilà, on s'est rendu à la fin de CNX. On a fait une bonne partie des nouvelles que j'avais prévues quand même. On en garde quelques-unes pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était très plaisant d'être de retour pour 2017. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi, entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca et retrouvez les notes de l'émission, les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. De la part, oui, de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Audio Massé suivra pour les auditeurs du mercredi. On se retrouve avec une pièce de Vince Kitchen, The Funk. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.